Léchi, mangue, bien goyave. Mais quel est ce fruit suave, exotique, qui me gave? De mousse s'enflamme à mon feu de brousse et nous nous la coulons douce. Oh oh, le soleil est beau, le sol il est chaud. Oh oh, le sol il est chaud, le soleil est beau. Sans artifice et l'après-midi complice.